fatigué. Je peux pas laisser tomber. J'ai passé toute ma vie à Paris avec mes potes. Bon, puis je peux y arriver. Je sais qu'on peut y arriver. Ah ouais, quand je reçois une photo de toi sur mon téléphone. Oh bébé, bébé, appelle-moi. Rappelle-moi. Appelle-moi. Rappelle-moi. Vivant quand tu joues avec mon âme. Fais-moi mal. J'ai tellement besoin qu'on m'aime. Oh mon bébé, bébé, bébé, bébé. Ah, j'fume la bif toute la journée dans la street. Oisy robe des balous clives. Comme l'enfant, j'vais devenir riche, riche, riche, riche, riche. Tellement riche, moi aussi. J'veux tout baiser et déménager en Suisse. J'me sens vivant, j'me sens bizarre. Des 3 millions, j'me sens libre. J'la vois partout dans mes pensées, dans les chansons, dans les films. Si tu m'oublies, j'vais m'en aller. Mais bébé, j'veux pas m'en aller. J'ai jamais voulu m'en aller. C'est juste que j'suis fatigué.